Mais s'il y a de la place. Alors, merci. Je vois que Camus, ça attire du monde, c'est formidable. Surtout un mardi soir, sous la pluie, tout ça, c'est super. Il y a plus de monde qu'à Nice hier soir. Il y a plus de monde que d'habitude. Du coup, on est la salle est quasiment pleine et c'est formidable. Donc, merci à tous d'être venus. Merci à nos intervenants. Alors, nous allons commencer par Alessandro Bresoline, qui nous vient d'Italie, mais qui vit en Belgique, et qui a écrit un bouquin qui des est... Des bouquins. Notamment celui-là. Albert Camus, L'Union des différences, c'est le titre qu'on a retenu pour la causerie de ce soir. C'est son éditeur qui va présenter un peu plus en détail. Là, moi, je fais une première présentation. Donc, Alessandro et Jean-Francis Billon, je ne sais pas comment on dit. On s'est rencontrés aux rencontres de Lourmarin. Je ne sais pas si vous connaissez. Tous les ans, il y a un colloque qui est organisé sur Camus. Mais alors, à chaque fois, il y a un nouveau thème. Il y a une année, il y a eu Camus. Camus et les libertaires. Voilà. Et là, nous avons un des animateurs de ces rencontres qui s'appelle Jean-Louis Meunier. Donc, Alessandro va nous faire une intervention, Jean-Louis aussi. Et donc, entre les deux, vous avez l'éditeur. L'éditeur, ça va vous paraître bizarre, ça s'appelle Presse Fédéraliste. Il va nous expliquer en deux mots quel fédéraliste il s'agit, qu'est-ce qu'il édite. Et Camus, l'idée, c'est vraiment Camus libertaire. Et là, on est dans la continuité. Ou en même temps que le travail, enfin, je ne sais pas si c'est la continuité avant, après, ou en même temps, je ne sais pas qui c'est qui a commencé. On est complémentaire. Voilà. Donc nous avons notre ami Lou Marin, qui a publié, il y a quelques années, ça c'est la quatrième ou je ne sais pas combienième édition, Les écrits libertaires de Camus. Parce que bon, il n'est pas question de dire que Camus est un anarchiste, mais enfin en tout cas, il avait de la sympathie pour les anarchistes, les libertaires, les anarcho-syndicalistes hispaniques. Les anarcho-syndicalistes espagnols et français, et dans son œuvre, on a quand même son œuvre journalistique ou romanesque, il y a quand même plein de thèmes qui nous intéressent. Après il n'était pas inscrit, des fois, j'ai lu dans un bouquin publié récemment qu'il avait été membre de la Fédération anarchiste, je ne sais pas où cette crétine d'auteur a trouvé cette information. Je ne la sais pas. On en parlera après. Donc, je me tais, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai dit qu'Alessandro était italien, mais qui vivait en Belgique. Notre éditeur est à Lyon. Il est occitan, mais il vit en France. Voilà. Il est aussi un militant de l'occitanisme, ça va peut-être avec le fédéralisme, sûrement, il y a sûrement des rapports. Et Jean-Louis est sur Nîmes. Voilà. À vous la parole. Oui, en deux minutes. Bon, moi je m'appelle Jean-Francis Billon. D'abord, à 17 ans, je me suis inscrit au Revue des citoyens du monde. Et deux ans après, en 67-69, j'ai adhéré à ce qui s'appelait le mouvement fédéraliste européen. Je suis toujours dans la suite de ce qu'est le mouvement fédéraliste européen et je suis toujours, bien sûr, au citoyen du monde. Je suis sympathisant aujourd'hui de ce qui s'appelle Région et Peuple Solidaire, qui regroupe le Parti Occitan, l'Union démocratique bretonne, l'Esquerre républicain des Catalognes, etc., etc. Voilà. Et je dis que si je devais adhérer un jour à un parti politique, j'adhérerais à deux, le Parti Vert Mondial et le Parti Occitan. Voilà. Et je n'appartiens à aucun parti. Voilà. Alors, fédéralisme pour moi, ça veut dire quoi? J'ai découvert le fédéralisme dans une librairie lyonnaise en 67-68, justement, en m'intéressant à Camus. Parce que à Lyon, en 44, clandestinement, a été créé un comité français pour la Fédération européenne, par, entre autres, Albert Camus. Un démocrate chrétien qui après ça a été sénateur, qui s'appelait je ne sais plus comment, et d'anciens marxistes, anciens du PC, virés du PC, entre autres André Ferrat, qui avait été le directeur d'une revue qui s'appelait Que faire, du nom d'un écrit de Lénine. Cette revue Que faire était clandestine dans le PC, pendant les années 30 et, et apparente, officielle, en dehors du PC. Bon. Et ces gens ont eu une évolution, c'était des marxistes, pendant la guerre, du communisme qu'ils ont, après ça, rejeté à cause justement du problème des libertés, etc., vers le fédéralisme européen et mondial. Bon, moi, ça m'avait intéressé. Et j'ai passé beaucoup de temps à chercher justement les textes de Camus, etc. Voilà. Alors, en tant que fédéraliste, je me refuse d'être membre d'un parti, en particulier parce que je ne veux pas prendre le pouvoir dans un État national, soit national quel qu'il soit d'ailleurs. C'est pas à mon avis la méthode. Deuxièmement, donc, l'UEF a été fondée en 1946 à Paris, suite à une réunion organisée par Albert Camus et Alessandro Spinelli, qui était justement un membre du PC italien, emprisonné à l'âge de 20 ans, pendant 20 ans par Mussolini, qui avait démissionné du PC pendant son emprisonnement, etc., et qui a écrit un texte qui pour nous reste fondamental, un manifeste pour une Europe unie et démocratique en 1941 dans la clandestinité qui a circulé dans toute l'Europe. Voilà. Le troisième responsable de l'UEF à l'époque, c'était Eugène Kogon, qui était un démocrate chrétien allemand qui avait passé la guerre enfermé à Buchenwald et qui avait beaucoup travaillé là-bas avec enragé Stefan Hessel. Ils avaient d'ailleurs créé un comité fédéraliste clandestin dans le camp de Buchenwald pour réfléchir à l'avenir de l'Europe, etc. Bon, telles sont mes racines politiques. En 1973, on a créé une revue qui s'appelle toujours Fait des choses pour le fédéralisme. Voilà, elle existe toujours aujourd'hui. Après ça, on a créé une association Presse fédéraliste qui existe toujours aussi pour publier la revue. On a commencé à publier des bouquins et en même temps, on avait en 68 été parmi les fondateurs d'une maison d'édition et d'une librairie qui est plus connue, qui s'appelle Fédérope. Alors ça voulait dire fédéralisme européen, bien sûr. C'est une librairie à Lyon qui regroupait toute la gauche de la gauche, comme on dit aujourd'hui, que ce soit les Anars, les Mao, les Trotsky, les Occitanistes, les post-Occitanistes. Et les fédéralistes européens, tant s'engueulaient pas, on a bossé ensemble très correctement pendant des années. Fédérope existe toujours. Ils ne font plus que de la littérature occitane et de la bonne littérature. On l'a racheté avec Presse fédéraliste les collections politiques il y a 2 ans, c'est-à-dire textes fédéralistes et minorité nationale. Voilà. S'il y a des questions, vous répondrez. Alors, qui est Alessandro ? Alors, Alessandro, j'ai découvert son existence. J'ai dit que je m'intéressais à Camus, donc j'allais me balader à Lourmarin. Hein, et un beau jour, je tombe sur un bouquin qui était Camus et l'Europe. C'était les actes du colloque de Lourmarin de l'année d'avant. Et dedans, je tombe sur un article d'Alessandro Brezzola. Et à la première ligne, ou la première note de bas de page, il dit « Jean-Francis Billon a écrit que... » Francis est tombé sur le cul. Bon, j'ai dit « Il faut que je voie ce type, il est certainement très intelligent, très intéressant. » Et j'ai d'abord demandé si je pouvais publier ce que tu avais dit en brochure. Puis il m'a dit « Je suis en train de faire un bouquin. » Je dis « Ouais, tu fais un bouquin, c'est certainement bien mieux. Enfin, » tout est-il qu'on l'a publié. Hein, on a acheté les droits en Italie, on l'a publié. Et je t'ai enquiquiné pour que tu rajoutes plein de choses. Oui, c'était une aventure. Alors, est-ce qu'on dit qui tu es ? Ou tu le dis toi-même ? Peut-être. Dis-le. Ben, c'est pour ça. Alors, bonsoir à tous d'abord. C'est très beau d'être là ce soir, parce que entre camarades et vous savez, peut-être, je ne sais pas, je vais pas faire la leçon. D'abord, avant de me présenter, je voulais vous faire. Quand il y a eu la conférence sur les anarchistes, les libertaires et Camus, il y a eu toute une grosse discussion par rapport à copains, camarades, la terminologie, parce que nous, moi je suis italien, chez nous c'est un gros mot d'essayer de définir camarade, Parce que les camarades, c'est un langage de caserne et les fachos, les fachos, c'est des camarades. Donc, copain, c'est copain. Et l'explication que je donnais, c'est je te la donne, je la dis, parce que pour moi, c'est les racines de la mot compagno, copain, que vous voulez. C'est compagni, c'est les compagni, compagni sont ceux avec qui tu partages le pain. Compagnes. Et ça, c'est. Voilà. Donc, je ne quitterai jamais l'expression qu'un compagne, chaque compagne. Donc, bon, bref, fermez la parenthèse. J'aime beaucoup de. Je suis grandi dans le milieu anarchiste vénitien. Et entre autres, je voudrais dédier la soirée à Venise, la pauvre Venise, oubliée et massacrée par l'État. Parce que c'est ça la réalité. Et, bon, donc j'ai milité longtemps et Camus, à un moment donné de ma vie, j'étais en Erasmus à Toulouse et j'avais lu les projets de Camus. Je ne les connaissais pas trop, mais j'étais déjà anarchiste. Et donc quand je suis arrivé à Toulouse, la première chose que j'ai fait, je vais à la recherche où se retrouvent les milieux des anarchistes. Et avec ma grande surprise, j'ai découvert qu'à Toulouse, à côté de la Garonne, il y a les Bar Basques et le centre libertaire Albert Camus. Et pour moi, c'était un petit choc, parce qu'à l'école, on disait que Camus était le... Donc Sartre était le vrai révolutionnaire, tandis que Camus était un petit truc moraliste sur son tour d'ivoire. Et donc là, je suis entré, avec la camaraderie qui s'est instaurée, et j'ai lu un tas de choses que je ne connaissais pas. De Camus, notamment les écrits politiques. Et c'était là, ça s'est déclenché, les coups de foudre. Et la chose, donc j'ai commencé à travailler là-dessus, et la chose qui me relie vis-à-vis du fédéralisme, du presse fédéraliste et tout, le livre est sorti d'abord en Italie dans une petite maison d'édition Spartaco. Une petite maison libertaire dans la région de Naples. Et la chose qui relie Camus à la fédéralisme, c'est justement ça. Parce que, comme vous savez, dans tous les différents déclinaisons, les anarchistes, les libertaires, les socialistes libertaires, enfin, dans notre DEN à AND, il y a le fédéralisme. C'est-à-dire, depuis toujours, les anarchistes, donc on a l'idée fédérale, l'union libre de peuple, l'union donc, et des travailleurs. Et voilà, donc ça c'est à la base aussi des Camus. Que, comme vous savez, Camus était fils du petit peuple d'Algérie, de l'Algérie européenne. Dans sa jeunesse, il a développé très vite un sentiment anticolonial parce que dans son quartier côtoyait les quartiers arabes, les quartiers pauvres européens, et donc il y avait un métissage plus fort que non. Les Européens d'Algérie qui vivaient dans les quartiers bourgeois, qui étaient dans un monde à part. Et en fait, Camus souligne toujours le fait qu'en Algérie, les 80-90% des Européens d'Algérie étaient des prolétaires. Et les gros colons étaient 15-20%. Et en fait, ça est effectivement comme ça. Il y avait un métissage méditerranéen parmi les Algériens et les Européens d'Algérie. Un tiers était français dessous, le reste était des Espagnols, des Maltais, des Italiens. Et donc c'était un véritable métissage qui a vécu Camus. Et ça, je trouve que voyons, du point de vue anthropologique, c'est ça sa différence vis-à-vis des autres intellectuels qui, bourgeois, disons, qui ont grandi en métropole. Et parce que lui, avec la terminologie d'aujourd'hui, on peut dire qu'il il a grandi dans un melting pot, donc il, dans une société qui était en soi multiculturelle. Et il ne pouvait pas concevoir que la France était si aveugle de ne pas comprendre que, par exemple, en Algérie, l'arabe était une langue étrangère, par exemple. Et ça, ça a généré des contradictions énormes dans la société algérienne de l'époque. Et il avait pris une partie très vite, déjà 17-18 ans, pour les promotions de l'élargissement des droits sociaux et politiques à la communauté arabo-musulmane. Et puis, vers la fin des années 30, quand il a commencé à travailler dans le journal Alger Républicain, qui puis est devenu le Soir Républicain à la veille de la guerre, qui a dû fermer par la censure qui est avec l'accusation des propos anarchistes. Et bien, dans Alger Républicain, en 1937, Camus avait fait cet essai qui s'appelle La misère de la Kabylie, où, une thématique qui aujourd'hui est encore. Cioè, ça, c'est la visionnaire, comme on dit qu'il était un visionnaire. Encore aujourd'hui, la Kabylie est un sujet sensible en Algérie, non? Et donc, lui, là, à l'époque, dans la misère de la Kabylie, il avait, entre autres, analysé la situation socio-économique des paysans pauvres de la Kabylie. Et la chose intéressante, c'est que donc, lui, il arrive à dessiner, à esquisser un projet politique pour la Kabylie en partant des témoignages qu'il avait racontés dans les villages kabyles. Et la proposition était de créer une sorte de... la République autonome fédérée à l'Algérie et à la France ensuite, où il y avait tous les regroupements de villages qui donnaient forme à une sorte d'assemblée autonome de Kabyles. Comme ça, pour la défense de leur culture. Donc, on commence à parler aussi de différences linguistiques, parce que les Kabyles ont leur langue, donc comme l'Occitan disait tout à l'heure. Donc ils avaient le droit de parler. Comme les Kurdes. Comme les Kurdes. Et donc, la chose intéressante est la suivante, que nous, on a toujours l'idée que le fédéralisme est une catégorie politique occidentale. Tandis que dans les cultures les plus anciennes, la fédération est à la base. Même la fédération des tribus iroquoises, c'était une forme de fédération, de fédéralisme. Et donc, dans des cultures non occidentales, exprimées dans des termes similaires, mais il y a l'idée de se regrouper dans les différences et d'une forme pacifique pour son domination d'une culture sur l'autre. Et voilà. Donc, il a, après avoir fait le ministère de la Kabylie, comme j'ai déjà annoncé, la revue 39, les Soirs républicains est une revue pacifiste, pas de guerre, et avec des propos qui étaient jugés, notamment donc tachés d'anarchistes, et a été fermé. Pascal Piat, qui était le directeur de la revue, dans un témoignage de quelques années d'après, soutient justement ça, que Camus, lui, déjà dans ces années-là, ses sympathies allaient aux déserteurs, aux objecteurs de conscience, aux anarchistes, à la Pelloutier, par exemple. Donc déjà, il y a une sorte d'une forme d'anarchisme, de militantisme syndicaliste bien défini, à la Pelloutier, il dit. Et Voilà, donc déjà, ça c'est à la fin des années 30. Et ils prennent aussi pour, parce que vous le savez, on a eu deux guerres mondiales dans la première moitié du 20e siècle. Tous les deux, à la cause de la guerre mondiale, des deux guerres, étaient l'État-nation. C'est-à-dire les nationalismes, l'égoïsme, les égoïsmes nationaux européens sont à la base et sont eux qui ont poussé à la guerre. Et des gens comme Camus étaient conscients de ça. Et je me tourne à ma gauche pour ce que je suis là, à côté d'une très belle carte géographique qui me rappelle que donc, l'Algérie est là. Et Camus est mi-espagnol de source. Donc, toujours aux années 30, une autre source qui nourrit la vision libertaire et socialiste libertaire, on pourrait dire aussi, et puis on verra, c'est par rapport à l'Espagne, parce que il est de sang, son sang est mi-espagnol, ils se sont très liés à l'Espagne, et donc, en 1934, il a écrit avec d'autres, d'une forme collective, la pièce « La révolte dans les Asturies », 34. 36, il y a la guerre d'Espagne qui éclate. On sait que l'histoire d'Espagne était déjà dans un climat de violence politique depuis longtemps. Les années 20, il y avait la dictature depuis Primo de Rivera. Et puis la République, on peut la diviser en... Les historiens la partagent en trois phases. La première qui est libéral-démocrate, la République jusqu'au 35, avec les élections de 36, il y a la victoire du Front populaire, et puis dans la troisième phase finale de la guerre d'Espagne, il y a le coup d'État communiste qui élimine en fait tous les acquis des élections de 36 et aboutit à la défaite militaire. La chose importante c'est que le modèle de référence pour nous de l'Espagne c'est l'Espagne républicaine de 36 où donc le Front populaire gagne et les anarchistes avec leur il y a aussi face au danger de la nazi-fasciste, il y a une sorte de participation complexe et difficile du mouvement anarchiste qui a porté à des divisions au gouvernement espagnol. Et avec cette contradiction depuis qui encore continue à causer des discussions sur la participation de certains anarchistes dans les gouvernements espagnols républicains. Et là, cet élément-là est important parce que la thématique espagnole, d'abord là, en parenthèse, on peut dire qu'encore aujourd'hui, avec ce qu'on voit en Catalogne et tout, on peut voir avec une certaine nostalgie à cette phase où c'est la seule phase où l'Espagne était quand même fédérée et c'était le seul moment de l'histoire où toutes les différentes identités espagnoles étaient engagées dans le même combat, dans une communauté d'entente. Donc les Basques, les Catalans, les Andalous et tout, fédérés, les Basques battaient aussi la monnaie, c'est très beau de voir encore, il y a une peseta, Gobierno de Scali, mais avec un pacte de fidélité avec le gouvernement de Madrid. Donc c'était le moment où l'Espagne restait la plus, selon moi, unie paradoxalement, dans la liberté. Mais bon, l'Espagne est importante parce que puis, comme on verra dans la guerre, l'Espagne était beaucoup de choses, parce qu'il y avait les brigades internationales, et beaucoup d'Italiens, d'Anglais, et puis George Orwell, Camillo Bernelli et d'autres ont gagné l'Espagne pour défendre les républicains. Et tout ça, dans les passages entre la guerre d'Espagne et la guerre mondiale, a créé tout un brassage et un questionnement certaines branches de l'anarchisme, du mouvement libertaire, dialoguaient beaucoup avec tout ce qui était la gauche, disons, socialiste, qui pas disons, organique au Parti Socialiste, mais quand même, je pense que plutôt là, s'est forgé cette idée d'un socialisme libertaire qui voyait. Parce que Camus était à cette époque-là raisonné sur les utopies possibles. Et comment dire, si c'était difficile de voir dans ce contexte d'abattre l'État carrément, la chose, l'utopie possible, c'était quand même d'essayer dans les socles des prudents et du fédéralisme qui proposait par Proudhon, et aussi par d'autres penseurs, même italiens, je pense à Camillo Bernelli, l'anarchiste, et à Silvio Trentin, qui était à Toulouse, exilé, et d'autres encore. Face à un État, avec les germes de l'autoritarisme et du totalitarisme, parce que à l'époque, comme on a dit, les États nationaux avaient poussé à la guerre, les égoïsmes nationaux avaient créé la guerre. Donc, essayer de chasser de la société, des États, les virus totalitarisme et autoritaire. Donc, là commence la filiation vers une sorte de libertarisme qui avait pour but briser l'État autoritaire. Ça, c'était le problème pour eux, pour ces militants à l'époque de la guerre. On a marre d'un État qui est totalitaire et centraliste et libéral. Donc, essayer au moins de créer, d'après la guerre, une société où on va effacer les germes de l'État patron, de l'État autoritaire. Parce que, voilà, donc dans cette époque-là, toute l'Europe était contagiée par les virus du totalitarisme, et avec un nationalisme très fort et même gentil. Parce que c'était un nationalisme extrême et la plupart des pays européens étaient sous dictature, ou quasiment. L'Italie, bien sûr, à partir du 22, mais il y a tout un parcours qui part de la fin des années 20, de la Pologne, l'Hongrie, l'Italie, l'Espagne, et pour aboutir à l'Autriche et à l'Allemagne 33. Les États européens étaient des monstres. Voilà, ça c'était la vision de Camus et de ces gens. Donc, affronter la guerre, ça voulait dire essayer de, dans les passages entre partisans, trouver une formule nouvelle pour l'avenir. Et donc là, la chose intéressante est de voir comment. Si l'Europe, avant la guerre, était partagée et l'idéal fédéraliste d'une Europe unie était quasiment une utopie, et l'idée était justement de fédérer l'Europe, donc de façon, dans un double fédéralisme, entre États, mais aussi dans les États, parce que sinon on ne sortirait pas du totalitarisme. L'État aurait dû laisser des compétences au pouvoir local, la commune, la région, l'État, et quelque chose de supranational qui nous permet de ne pas s'entretuer chaque 30 ans. Parce que ça aussi c'était une prophétie camusienne qui s'est un peu avérée. Et à un moment donné, il a dit, si on ne crée pas une Europe unie, on est destiné à chaque 30 ans à se faire une guerre. Et il n'a pas eu tort, si vous pensez que les années 60, fin des années 50, 91, la guerre de Yougoslavie, c'est une guerre européenne. Donc voilà. Et si on fait les calculs, on arrive à 2025-2030. La prochaine. voilà. Et dans la résistance a eu un rôle fondamental, et ce que je trouve, et puis on le verra, le fédéralisme européen qui prend ces gens-là comme Camus a été trahi après la guerre. Carrément. Et en fait, la résistance a été trahie. Donc, parce que si on voit, donc, comme on disait tout à l'heure, les manifestes de Ventotene, qui a été écrit par Spinelli en 1941, à Ventotene, qui c'était une île prison, où Mussolini, le fascisme, mettait les prisonniers politiques. Donc, à partir de 1941, les manifestes ont fait le tour de l'Europe, a été traduit dans quasiment toutes les langues européennes, et si avant la guerre, les peuples ne se parlaient pas, et les débats politiques sur les fédérations va concerner une élite, on peut dire, parce que ça concernait des hommes d'État, des politiques, des intellectuels, les militants les plus avertis. Mais alors, la guerre crée cette nouveauté, que pour moi c'est une nouveauté extraordinaire, que pour la première fois dans l'histoire, vous savez qu'il y a des historiens qui disent les différentes choses qui forgent l'identité nationale. Il y a une langue commune, et la religion commune, et surtout, parfois, avoir partagé une histoire et une souffrance commune. Et pour la première fois pendant la guerre, tous les mouvements de la résistance européenne, il y avait des échanges très forts entre eux, entre Yougoslaves, Italiens, Français, Polonais et tout, Albanais. Et pour la première fois dans l'histoire, il y a un mouvement social qui se forge dans la même souffrance, c'est la souffrance contre le nazifascisme et la dictature. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça, on doit le revendiquer. La résistance est le premier mouvement social européen. Avant la résistance, l'Europe était une idée intellectuelle. Tandis que la résistance forge, et on le trouve dans tous les tracts, et par exemple dans les mouvements de libération nationale français. Et donc Camus adhère d'abord à combat, et c'est significatif de voir comment combat va se fondre d'abord avec d'autres groupes de la résistance du centre-sud de la France dans le mouvement uni de la résistance qui deviendra le mouvement de libération nationale et puis les communautés françaises pour la fédération européenne. Ça c'est la filiation. Et donc qu'est-ce qu'ils voulaient? Les résistantes. Les résistantes voulaient notamment arriver à une Europe qui devenait une société libre et où les citoyens ne devaient plus avoir peur de l'État. et où chaque culture aurait dû s'épanouir librement. Les grandes et les petites. Et donc, comme je vous ai dit, dans le mouvement de libération nationale, on trouve cette idée de, qui était le résumé de tout le travail commun. Si c'est une utopie, abattre toutes les frontières du monde, encore, au moins abattre une quarantaine de frontières, c'est déjà quelque chose, et de créer une Europe sociale. Où les États, on va élire un parlement commun et où toutes les cultures sont respectées, puisqu'il y aura des institutions communes au peuple. Donc c'est ça, passer de il y avait la société des nations aux années 30, après la Première Guerre mondiale. Et en fait, selon cette vision-là, on disait on n'a pas besoin d'une société des nations. on a besoin d'une société de peuple. Ça, c'est le concept. Et donc, l'État devait perdre beaucoup de ses compétences pour les donner à la commune, à la région, et à un gouvernement super partes qui aurait dû défendre les citoyens des États. Et c'est pour ça que, comme il écrit beaucoup sur la démocratie internationale, dans Ni victime ni bourreau, par exemple, et déjà par le titre, vous pouvez bien comprendre qu'il a paraphrasé notre slogan, notre non, expression, ni Dieu ni maître. Ni victime ni bourreau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après la qu'on doit pousser pour une démocratie internationale qui est à la défense du citoyen vis-à-vis de l'État. Et ça, je trouve que c'est quand même une idée qui est extraordinaire. Parce que si c'est vrai qu'on ne peut pas avoir l'utopie finale, mais au moins aboutir d'un pas, ce serait pas mal. Donc avoir un organe souverain national qui ne devait pas être lié à l'économie, à la finance, mais à l'homme. À l'homme et à la société, devait défendre l'homme et la société, les citoyens. Et donc, les plus grands exploits des fédéralistes européens issus de la résistance, de cette vision de la résistance, est en mars 1945, où il y a une conférence. Paris devient un noyau très important. La Suisse, d'un côté, et Paris sont les lieux principaux où les théories fédéralistes se développent. Et Paris pour son importance géostratégique et la Suisse pour son histoire. Parce que c'était un pays où, à l'énormité d'antifascistes, se sont réfugiés. Et donc, et c'est en soi le seul pays fédéral d'Europe. Et donc, en 22-24 mars 1945, à Paris, à la Maison de la Chimie, il y a la conférence fédéraliste qui rassemble les personnalités et les mouvements européens qui partagent la vie de créer une nouvelle Europe. De créer une nouvelle Europe qui n'est pas pour forger un nouveau nationalisme, un nouveau militarisme, mais c'est justement pour faire ce que je viens de vous dire. Une Europe qui ne doit pas se fermer en elle, mais qui doit créer où les hommes peuvent, et les hommes et les idées doivent être libres de bouger. Pas les marchandises. C'était ça, déjà. Déjà à l'époque, on parle de ça. Les hommes et les idées doivent être libres de bouger en Europe. Et la conférence est à la fois un succès et le point final d'une époque. Parce que si entre les 41 et 45, les États étaient tous écroulés, et les structures étatiques, après la guerre, les États étaient détruits, tous, même De Gaulle a dû remettre en place un centralisme qui n'existait plus. Et donc, on voit que après le mars 1945, petit à petit, les vieux partis politiques, les vieux hommes d'État, les vieilles structures de la justice, de la police, de l'armée, de la diplomatie, ils vont se remettre en place et les partisans sont pris au contre-pied et ils se retrouvent au fil du temps marginalisés. C'est-à-dire qu'on voulait réformer l'État. Moi, je parle de mon pays, l'Italie. C'était une catastrophe parce que les partisans, au départ, étaient dans des lieux clés où on voulait démocratiser l'Italie. On voulait faire une réforme de la justice profonde, de la police, de l'armée, et avec des hommes de la résistance. Tandis que les alliés, ils avaient plus peur du communisme ils avaient et donc, à cause de cette excuse, ils ont petit à petit viré tous les hommes de la résistance qui étaient mis à réformer l'État. Donc, le résultat est que la justice italienne, aux années 60, la plupart des juges étaient encore nommés pendant le fascisme. Les hommes de l'armée, les généraux étaient les généraux de l'armée fasciste. La police, la même chose. L'enseignement, pareil. Les enseignants étaient. L'université était encore une université élitiste du fascisme. Et donc, la situation. Et l'Europe, qu'est-ce que c'était l'Europe? Encore rien. Parce qu'en 1945, on disait qu'il faut faire vite, parce que l'histoire nous enseigne que les réformes en profondeur, on peut les faire seulement, l'homme a le courage de les faire seulement dans les pires des moments, quand il est dans le besoin de le faire. Et si on laisse passer le temps, on ne va jamais le faire. Et en fait, ils avaient raison, parce qu'ils n'ont pas réussi, abouti en 1945, 1946, 1947. Et puis, l'histoire a pris une autre cour. L'histoire est allée dans une autre direction. Parce que déjà là, il y a eu, donc, dans les partages de l'Europe, il y a eu le plan Marshall, qui, par exemple, était vécu comme à niveau national. Chaque État a géré son Marshall Plan de façon autonome, mais pas dans une vision globale. Tandis que, déjà à l'époque, l'idée était que les problèmes de la guerre étaient donc européens et les problèmes ne pouvaient qu'être résolus à niveau européen, à l'échelle européenne. Il y a nous qui sommes allemands et qui peut bien comprendre le fait. À l'époque, même on se demandait, mais pourquoi créer une Allemagne et une Autriche fédérale entouré par des États qui sont encore des États nationaux. Ça, c'était une contradiction énorme pour ces gens-là. Et je partage leur point de vue, parce que l'Italie, la France ont été encore des États fortement centralisés, et l'idée qui est du départ de créer une société libre où la commune ne devait pas être une succursale de l'État, et la région non plus, et que ça devait être une chance pour tous pour vivre en paix, a été écrasé, et donc on est retourné après la guerre avec des États fortement centralisés où donc la région qui était l'autonomie régionale, qui était une chose sacrée pour ces gens, est disparue. Et nous en Italie, on a eu les régions se sont forgées au milieu des années 70, donc je veux dire très très tardivement et d'une façon plutôt gérée d'une façon étatique. Voilà. On voit que Camus et ses camarades, et je suis très lié à la figure d'Ignazio Silone, qui est un écrivain italien, militant, avec une histoire romanesque, parce que il a eu une vie extrêmement dure et pleine de. Qui était justement socialiste plutôt, et qui croise Camus, vous voyez, dans les passages. Lui, il était, sinon, le fondateur du Parti communiste, avec Togliatti et Gramsci, et qui a été les seuls. Donc, au 27, il a été en mission pour le parti. Dans toute l'Europe aux années 20, et c'était le seul qui a eu le courage de ne pas signer à Moscou la lettre de condamnation à Trotsky et de sauver sa vie. Et donc il est rentré en Italie, et puis là, évidemment, les rapports avec les Fratelli sont explosés, et il s'est réfugié en Suisse parce qu'il était pourchassé par les polices de l'Europe. Et donc, à partir des années 30, Silone a évolué vers un socialisme libertaire qui, d'après la guerre, croisera aussi, donc, en créant une affinité intellectuelle très forte avec lui. Pourquoi je suis arrivé à parler de Silone? Parce que tu as écrit une anthologie. Il a publié une anthologie de Spartaco sur les écrits libertaires. C'est pas ça, alors. Et donc, Silone, oui, parce que Silone partageait avec. C'était un des promoteurs avec Camus et tous les autres mouvements, Spinelli, tous ces mouvements-là. Il était aussi dans l'idée de créer une Europe unie et socialiste, mais pas du socialisme libertaire. Et déjà en 1949, pour Camus et pour Sillon et pour ces gens-là, c'est fini. Le combat européen, c'est fini. Parce que les États étaient déjà de nouveau en place, il y avait l'atlantisme, et tout était devenu une question d'État. Et donc l'Europe qu'on était en train de forger, en fait, c'est ça qu'on doit comprendre. L'Europe qu'on voit maintenant, c'est pas la nôtre, comme on dirait. C'est une Europe qui a été forgée par des chefs d'État. Et par un mouvement qui ne se réclame pas du fédéralisme. C'est ça qu'il faut aussi voir, bien voir. L'Europe qu'on voit maintenant à Bruxelles, qui ont en train, c'est pas une Europe fédérale. Mais, parce qu'à l'époque, les fédéralistes, dans les déceptions, ils ont quasiment quitté les combats fédéralistes européens parce qu'on voyait comment allaient les choses. Et l'Europe qui a été forgée quand même maintenant, c'est l'Europe qui... Il y avait le débat entre fédéralistes et unionistes. Donc les fédéralistes étaient les gens dont on parle. Les unionistes étaient Churchill, de Gasperi et d'autres chefs d'État et des économistes. Et déjà dans le langage des textes de l'époque, on parle de technocratie. Si l'on est surtout le souligne, même le socialisme est en train de devenir une technocratie. Et nous, on n'a pas besoin d'une technocratie au pouvoir. Et donc, et voilà. Et la différence fondamentale est que les fédéralistes, voyez, est poussé pour la création d'une Europe sociale. Entre autres, bien sûr, l'économie devait jouer un rôle, et on verra comment. Mais social, tandis que les unionistes voyaient l'Europe comme une technocratie où les problèmes étaient pour eux surtout économiques. Donc il fallait plus de collaboration économique entre les États, surtout. Et ensuite, on verra si jamais les États nationaux pourront trouver une forme pour trouver des institutions politiques communes. Mais dans un avenir hypothétique. Tandis que le truc qu'ils voulaient, c'était l'argent. Créer une Europe liée par une économie commune. Et les idées et les hommes, on s'en fiche. Là, on commence à parler d'une Europe de marchandises où les capitales peuvent bouger, mais on n'a pas créé une citoyenneté européenne, un passeport européen. On est tous encore dépendants de notre État national et un peu écrasés, je dirais, de ma part. Et donc, tandis que dans cette vision fédéraliste sociale, l'économie, bien sûr, devait changer, mais comment? Alors, il y a les trois voies. Il y a, comme on a vu, les privatisations, donc, il y a les nationalisations et les socialisations. Et en face des lobbies économiques qui voulaient l'économie privée d'abord, face aux mouvements communistes et aussi gaullistes, et social-chrétien qui voulait nationaliser l'économie dans l'après-guerre pour sortir de la misère, les mouvements issus de la résistance voulaient créer, de cette branche de la résistance voulaient créer donc dans cette Europe-là une économie socialisée. Donc on ne veut pas de nationalisation, on ne veut pas de privatisation, on veut une socialisation. La socialisation de l'économie aurait, si on voit l'État commune, région, État, Europe, aurait créé, d'abord, était un système à niveau économique beaucoup plus gérable, en donnant de la responsabilité à la communauté. Parce que d'abord, voilà, la communauté, c'est un mot important. L'homme doit être au centre et la communauté et pas l'argent. Et donc la socialisation, je donne l'exemple de la campagne en Italie. Il y a un vallée, par exemple, qui a été depuis toujours dominé par les princes de Torlonia, hein, qui avaient tout une plaine énorme. Et après la guerre, il y avait donc justement cette question-là. On nationalise, on privatise, qu'est-ce qu'on fait? On voulait socialiser, donc créer... Et ça, la socialisation aujourd'hui, j'aime, parfois ça mène à quelque chose de faire des parallélismes avec les langages d'aujourd'hui. Parce que socialiser, aujourd'hui, avec la terminologie d'aujourd'hui, je trouve que ça revient aussi à défendre le bien commun. C'est-à-dire, si tu as une plaine qui était dans un prince et tu veux la nationaliser ou privatiser en donnant à chaque... par exemple, un petit truc de terre, et ça se voit comme c'est passé. C'est passé qu'on a créé une parcellisation du territoire en créant des égoïsmes à nouveau, où chacun a, puis, a vendu et tout, et maintenant tout le territoire est entre les mains de peu de gens de nouveau. Tandis que socialiser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donner de l'importance à la société, à la communauté locale, qui aurait dû trouver les moyens de travailler la terre, donc la terre à la communauté, qui était pas la propriétaire exclusive de la terre, mais était leur responsabilité, et donc sur un plan coopératif. Et ça, c'était tout à fait une autre histoire. Qui est de nationaliser ou privatiser. Donc, on n'a pas eu ça, et comme ça, donc, en 49 déjà, il y a une césure très forte, parce que si, jusqu'à 45, 46, 47, 48, les débats sur l'Europe à faire, à forger, étaient, les engageaient beaucoup, déjà en 49, ciao, venez-y, ciao, ciao, basta, on s'occupe d'autre chose. Et les combats, pour l'Europe unie est passé en second plan, et avec notamment l'homme révolté de Camus signe le passage d'un combat de telle sorte à un combat pour la liberté et contre la vision totalitaire de la société. Donc voilà, les années 50 avec mais pas, voilà, c'était les combats, devenaient un combat contre le totalitarisme et l'autoritarisme d'État. Ça, c'est, je pense, la marque fondamentale de Camus, parce que dans toutes ses interviews jusqu'à la fin, il dit, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'État. C'est la forme de l'État qu'on a. L'État, comme il est conçu aujourd'hui, ça, c'est un des problèmes les plus graves d'aujourd'hui. Et donc, par conséquent, la liberté. Et voilà, donc dans ce sens-là, on peut dire que ils étaient des visionnaires et qu'à l'époque ils n'avaient pas ils étaient vraiment écrasés partout dans les deux sens, parce qu'il y avait d'un côté une gauche marxiste et stalinienne qui les traitait comme des fachos, et de l'autre côté, et il y avait l'Europe capitaliste, disons, entre guillemets, non, sans guillemets, qui les voyait comme des petits connards. Je me permets d'être un peu confidentiel avec vous, mais on est entre compagnes. Et donc, vous voyez, donc, écrasé entre ces deux visions de la vie et de la société et de l'homme, on arrive à, et ça c'est le dernier passage que je fais pour sinon je suis quand même bavard, le dernier passage est là. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Leur questionnement arrive à dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et là aussi on voit une chose qui anticipe les 68 et les années 70 d'une certaine sorte. Alors si les choses sont telles, nous, la chose qu'on doit faire, c'est de faire tomber les ponts avec toute la partie de la société qui est malade et forger des communautés, des hommes libres, qui ont à son sens des valeurs qui ne sont pas l'argent, ne doit pas être l'économie contre l'argent. On doit créer des communautés d'hommes libres qui partagent quelques valeurs de base et surtout un profond sens de l'amitié. Parce que c'est ça aussi quelque chose qui, dans un monde funèbre comme pouvait être celui des années 50 où il y avait l'homme, machine, robot qui devait répondre, hein, l'amitié était vue comme. Donc c'est, il faut les faire comme les graines sous la neige. Voilà, que c'est le plus beau roman de l'association. Hein. Et Camus le dit dans, quand il fait les groupes de liaison internationales, qui est, selon moi, malgré une expérience politique qui a duré un an, c'est la plus significative. Parce que c'est là où Camus dit, on va essayer, alors si la situation est telle, on va essayer de faire, comment faire de la politique différemment. Et on forge les groupes de liaison internationales. Et dans les mouvements manifestes constitutifs, il dit notamment il faut faire comme les graines sous la neige des Silonais. Donc, on doit se rassembler par semblables, on partage des valeurs, un sens de l'amitié, et on forge une communauté d'hommes libres qui sera une graine sous la neige qui donnera un sens à ce qui viendra. Et voilà, ça c'était un objectif. Par exemple, il y a plusieurs exemples, par exemple la communauté de travail, et Camus parle de communauté de réflexion et communauté de travail, où dans l'idée qui est proudhonienne, la communauté doit être autogérée, donc travailler ensemble, trouver une façon d'être autonome. Et là, on trouve les germes de ce que sera aussi l'autogestion. Ce serait, donc d'un côté, avec le groupe de liaison internationale, forge une intervention directe vis-à-vis du gouvernement qui inspirera ensuite, avec ses dérives, que je n'aime pas, mais quand même le début des Amnesty International, par exemple, les fondateurs disent oui, on a repris la façon de conduite de Camus, des groupes de liaison internationale, c'est-à-dire. Il y a un homme en danger de sa liberté à cause de ses idées, et nous tous, on va casser les pieds au gouvernement pour le faire libérer, à part des lettres, des appels et tout ça. Et c'est une idée qui a été reprise par Amnesty, et d'un côté. Et de l'autre, l'idée d'une communauté libre qui exprime des valeurs et qui a le droit d'être autonome. Et donc, voilà. Merci. On discutera après avec Alessandro parce que là il y a une deuxième partie, donc c'est Jean-Louis qui va nous parler d'un petit livre, petit mais important, Lettre à un ami allemand. Oui, merci. Oui, donc Lettre à un ami allemand, Alessandro l'a largement. On l'a pas édité malheureusement. Alessandro a en partie brossé le tableau un tout petit peu. Lettre à un ami allemand, c'est un texte que Camus réunit après la guerre, quatre lettres fictives bien évidemment, qu'il écrit à un ancien ami allemand et qui seront publiées après la guerre sous forme de volume et en 48 avec une préface pour l'Élysée italienne dont on ne sait pas ce qu'elle est devenue, on a au moins la préface. Les trois premières lettres ont été écrites pendant la guerre, en 1943, et publiées en 1943 dans des journaux de résistance. Et comment ? Ah, pardon, oui. Non, je croyais quelque chose. Et donc, ces lettres sont des lettres de résistance, qui résument un petit peu ce qu'a dit Alessandro. Et je vais vous lire quand même quelques passages à propos de l'Europe et de l'homme, justement, dans la troisième des lettres à un ami allemand, qui est celle sur la lettre la plus importante, si l'on peut dire, celle sur l'Europe. Il écrit à cet ami allemand. Alors, je précise quand même un tout petit peu. Ce sont des lettres fictives écrites par quelqu'un, un Français, à un de ses anciens amis allemands. C'est-à-dire, cet ami allemand est devenu nazi. Donc Camus fera bien la distinction entre les Allemands et les nazis, et fera bien la distinction entre les Français et les collabos. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Et donc il lui écrit, on n'a pas les réponses, mais on dit qu'elle lui écrit, vous dites que, il rapporte les paroles de l'allemand, et à ce moment-là, il lui répond. Et pour ce qui concerne l'Europe, en continuité de ce qu'a dit Alessandro tout à l'heure, un extrait de la troisième lettre qui est celle sur l'Europe proprement dite, vous dites Europe, mais vous pensez terre à soldats, grenier à blé, industrie domestiquée, intelligence dirigée. Vais-je trop loin ? Mais du moins, je sais que lorsque vous dites Europe, même à vos meilleurs moments, lorsque vous vous laissez entraîner par vos propres mensonges, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à une cohorte de nations dociles menées par une Allemagne de seigneurs vers un avenir fabuleux et ensanglanté. Je voudrais que vous sentiez bien cette différence. L'Europe est pour vous cet espace cerclé de mers et de montagnes, coupé de barrages, fouillé de mines, couvert de moissons, où l'Allemagne joue une partie dont son seul destin est l'enjeu. Mais elle est pour nous cette terre de l'esprit, où depuis 20 siècles se poursuit la plus étonnante aventure de l'esprit humain. Elle est cette arène privilégiée où la lutte de l'homme d'Occident contre le monde, contre les dieux, contre lui-même, atteint aujourd'hui son moment le plus bouleversé. Vous le voyez, il n'y a pas de commune mesure. Donc, au-delà de ce passage, qui est quand même un des passages les plus importants de l'être un ami allemand, on voit comment, rapidement, Camus, enfin, celui qui écrit la lettre, Camus, stigmatise deux Europes, l'Allemagne, et il écrira d'ailleurs un moment que l'Allemagne pourrait considérer comme un territoire. Pour nous, dit-il, c'est le territoire de l'esprit, c'est tout à fait différent. Et comment il va véritablement démonter la politique européenne du régime nazi et du régime français de collaboration. Il ne faut jamais oublier que le texte est à double entrée. Et comment il va, au contraire, exposer une autre Europe qui est celle, non pas des nations, c'est ce qu'a dit Alessandro tout à l'heure, c'est une Europe ouverte, une Europe de l'esprit. À en venir un peu à ce qu'était l'Europe en partie au XVIIIe siècle, c'est-à-dire une Europe de l'intelligence, une Europe de la culture, réservée à quelques-uns certes, mais c'était un embryon qui a été complètement brimé par le Corse Napoléon, le premier, le dernier étant un ectoplasme, et le premier, un ruffian. Et bon, je suis corse par ma mère, donc je ne peux pas le dire. Hein. Voilà, et qui a été complètement bouleversé au 19e, et qui a été en partie, ce qu'a dit Alessandro tout à l'heure, réinventé au 20e avant d'être à nouveau perverti, et de l'être d'ailleurs toujours. Voilà. Donc, ces lettres à un ami allemand vont distiller en gros trois thèmes fondamentaux. Un, l'Europe. Deux, l'homme. Et le troisième, l'abord de la paix, qui est la non-violence. Et c'est-à-dire, on va retrouver les thèmes fondamentaux de Camus, la justice et la liberté dont Alessandro vient de vous parler. Tout cela, c'est aussi un texte de littérature. Il ne faut pas l'oublier non plus, Camus était un écrivain, c'est aussi un texte de littérature. Ça passe très bien à l'oral, on a fait lire la troisième lettre à quelqu'un qui est aussi Union fédéraliste européenne, qui est acteur, et cela passe très bien aussi. Donc c'est aussi un texte de littérature qui est construit suivant une rhétorique avec des mots qui passent d'une lettre à l'autre, mais qui justement permettent de voir exactement comment Camus va petit à petit ancrer sa démonstration, en disant, au début de la lettre, vous me dites, vous m'avez dit, vous n'aimez pas votre pays. Et quand même passer du mot pays à la notion d'Europe, tout au long de ces textes. Donc, texte construit comme un texte littéraire. Il ne faut pas oublier que Camus était aussi un écrivain. Et comment, petit à petit, il va passer de cette distinction restrictive du mot pays à une définition beaucoup plus ouverte d'un espace qui s'appellerait l'Europe, il va y passer par des exemples. Et il va donner un certain nombre de faits. D'exemple. Donc il va rappeler ce que lui disait cet ami. Vous considérez que vous avez la puissance, vous considérez que tout peut se régler par le sang, par la violence. Nous pensons que ce n'est pas une solution. Donc il va distiller dans son texte un certain nombre de mots qui vont établir des réseaux et qui, petit à petit, vont nourrir le renseignement. Et il va surtout donner un exemple dans la troisième lettre, un exemple particulièrement difficile, rapportant qu'un jour, 11 Français, non collaborateurs bien sûr, devaient être fusillés, dont un jeune homme de 16 ans. Et ils étaient dans le camion et le régime nazi avait mis avec eux un aumônier allemand, donc un homme d'église. Et c'était deux conducteurs allemands qui conduisaient le camion. Et l'homme d'église s'approche du jeune homme et lui dit en substance que, oui, il va mourir, il va être fusillé, mais que dans l'autre vie, il sera heureux, etc. Pourquoi pas, j'en sais rien, puis je m'en fiche. Mais, voilà, je vous dirai pourquoi après. Et donc, ce jeune homme, quand même, sait qu'il va mourir, et en s'appuyant contre la bâche, il voit que la bâche cède. Et au moment, l'aumônier se tourne vers les autres et le jeune homme saute. Et à ce moment-là, l'aumônier sent un courant d'air et il voit s'échapper, il frappe au carreau, le camion s'arrête et il leur dit, le jeune homme s'est évadé, il le fait rattraper et il sera définitivement fusillé. Camus donne cet exemple, qui est un exemple type, c'est-à-dire comment la foi peut être pervertie par le fait de tout donner à son pays. Et c'est le reproche qu'il fera à la fois l'aumônier et aux Allemands, quand je dis Allemands, il faudra penser nazis, hein, je répète fortement, comment vous donnez tout à votre pays, c'est-à-dire que vous oubliez ce qui est le fondement même de vous-même, vous êtes d'abord des hommes. Et ça, c'est quelque chose que Camus défendra, parce qu'il dira, derrière tout meurtrier, quelques meurtres qu'il ait pu commettre, il y a un homme, ce qui, évidemment, confortera son engagement contre la peine de mort et pour l'abolition de la peine de mort, le livre qu'il publiera avec Sler et préface de Jean-Richard Bloch. S'inscrira dans une longue tradition, mais ces lettres à un ami allemand, elles ne sortent pas de rien. Elles publiées en 45 pardon, pour l'édition originale. En 42, Camus a déjà publié L'étranger. Le mythe de Sisyphe, mais il a publié Nos aussi. Il a écrit beaucoup d'articles, dont Misère de la Kabylie, auquel Alessandro a fait référence tout à l'heure. Il a écrit ces textes. Et après, il va écrire d'autres textes, les Justes, notamment, dans lesquels il va reprendre ses idées. Donc, Les Lettres à un ami allemand, c'est un texte court, mais c'est un texte charnière dans l'œuvre de Camus, parce qu'il résume tout ce qu'il avait écrit, tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait publié dans les journaux, tout ce qu'il avait dit dans les conférences ou dans le public, et va ouvrir aussi notre perspective sur tout ce qu'il écrira après, surtout son engagement dans les journaux et dans les meetings auxquels il va participer. Donc c'est un texte à la fois relativement facile d'accès, même si chaque mot compte, mais c'est un texte très difficile parce que, mais important, donc il est accessible bien sûr, parce qu'il résume tout ce que Camus avait donné, c'est-à-dire déjà sa défense de la justice, de la société. Il avait écrit deux phrases notamment, une société basée sur l'argent ne peut prétendre à la grandeur ou à la justice, et une autre formule, la société basée sur la production est seulement productive, pas créative. La première partie est très macronienne d'ailleurs. Hein, voilà. Donc, pour citer aussi des références actuelles, bien évidemment. Enfin, des références à l'avenir. Donc, ce texte est un texte charnière. Et quand on le lit, on a une prise de conscience d'un peu tout ce qu'a fait la philosophie et l'engagement politique de Camus, qui était un écrivain, qui n'a jamais nié qu'il était un écrivain, qui a écrit un texte sur la fonction de l'écrivain dans la société, c'est-à-dire celui qui résiste. Et la résistance n'a pas été qu'une résistance armée, elle a été aussi une résistance par la machine à écrire ou par le stylo. Il ne faut pas l'oublier, ça non plus, il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, tant du côté français que du côté allemand, n'est-ce pas, Marin, il y a eu des Allemands qui ont violemment résisté au régime nazi, qui l'ont souvent payé d'ailleurs de leur vie. Donc, il y avait aussi, tout n'était pas aussi simple, aussi dichotomique, il y avait d'un côté les bons, de l'autre les mauvais, il y avait les bons d'un côté partout, et les mauvais d'un côté partout aussi. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et Camus va systématiquement mettre dans son texte un certain nombre de mots, dont l'homme, par exemple, l'homme en tant qu'être humain, bien sûr, et quelques phrases extraites des lettres à un ami allemand sur l'homme. Il dira « Qu'est-ce que l'esprit ? Nous connaissons son contraire qui est le meurtre. Qu'est-ce que l'homme ? Mais là je vous arrête car nous le savons. Il est cette force qui finit toujours par balancer les tyrans et les dieux. Il est la force de l'évidence. C'est l'évidence humaine que nous avons à préserver. Et notre certitude maintenant vient de ce que son destin et celui de notre pays sont liés l'un à l'autre. Si rien n'avait de sens, vous seriez dans le vrai. Mais il y a quelque chose qui garde du sens. Et plus loin, dans la dernière lettre, la lettre la quatrième qui est conclue ces lettres en amiellement, il dira « J'ai choisi la justice au contraire pour rester fidèle à la terre. Je continue à croire que ce monde n'a pas de sens supérieur, mais je sais que quelque chose en lui a du sens, et c'est l'homme, parce qu'il est le seul à exiger d'en avoir. » Ce monde a du moins la vérité de l'homme, et notre tâche est de lui donner ses raisons contre le destin lui-même, et il n'y a pas d'autre raison que l'homme, et c'est celui-ci qu'il faut sauver, si l'on veut sauver l'idée qu'on se fait de la vie. Votre sourire et votre dédain me diront « Qu'est-ce que sauver l'homme ?» Mais je vous le crie de tout moi-même, c'est de ne pas le mutiler, c'est de donner ses chances à la justice qu'il est seul à concevoir. Et un tout petit peu plus loin, vers la fin de la lettre, il lui écrit « Mais dans le temps même où je jugerai votre atroce conduite, je me souviendrai que vous et nous sommes partis de la même solitude, que vous et nous sommes avec toute l'Europe dans la même tragédie de l'intelligence. Et malgré vous-même, je vous garderai le nom d'homme. Pour être fidèle à notre foi, nous sommes forcés de respecter en vous ce que vous ne respectez pas chez les autres. » Pendant longtemps, ce fut votre immense avantage, puisque vous tuez plus facilement que nous. Et jusqu'à la fin des temps, ce sera le bénéfice de ceux qui vous ressemblent. Mais jusqu'à la fin des temps, nous, qui ne vous ressemblons pas, aurons à témoigner pour que l'homme, par-dessus ses pires erreurs, reçoive sa justification et ses titres d'innocence. Cette revendication de l'état d'homme, malgré tout ce qu'on peut faire de pire, y compris jusqu'au meurtrier, hein, derrière, je rappelle, Camus disait, derrière tout meurtrier, il y a un homme. Donc ces lettres annuellement vont concentrer en peu de pages tout ce qui avait fait déjà l'œuvre de Camus, l'homme, l'Europe, la justice, le social, la société, et l'ouverture, la libre circulation, comme a dit Alessandro tout à l'heure, et tout ce qui va entraîner ces combats. Tout ce qui aussi l'opposera en partie à Sartre, hein, qui, moi j'ai une grande admiration pour Sartre, mais il était parfois un peu à géométrie variable, Sartre. Camus, lui, n'était pas du tout à géométrie variable, pas du tout, voilà. Donc, ces lettres-là, moi c'est un texte auquel je suis très attaché, d'abord parce que je crois que résume des éléments simples de la vie du quotidien, c'est-à-dire défendre l'homme, quel qu'il puisse faire, quel qu'il puisse, quoi qu'il fasse, même si on peut avoir après des choses à discuter. Défendre l'Europe, l'ouverture et la libre circulation. J'y suis attaché parce que je sors d'une famille bien de tout. oui, sans les familles d'enseignants, voilà. Ma mère était corse et plutôt catholique. Mon père était bressan, merci, et plutôt protestant, tout est dans le plutôt. Mes sœurs et moi, on n'avait qu'une clause à la maison, il fallait respecter l'autre. Après, on faisait un peu ce qu'on voulait, mais il ne fallait pas enquiquiner l'autre. C'est déjà pas mal, et ça amenait beaucoup de choses. Et donc, j'aimais la musique, j'aimais la littérature, et puis j'ai suivi un enseignement religieux, catholique, pour faire plaisir à ma mère, elle s'en foutait. Mais il n'était pas donné par n'importe qui, il était donné par l'évêque de Cuba qui avait levé Fidel Castro. Déjà, c'était pas mal, et le premier espagnol que j'ai su, qu'il m'a enseigné, c'est « Il lutte toujours l'homme qui est opprimé ». Déjà, c'était important. Et puis un jour, je lui ai dit « Monseigneur, camarade Fidel n'est pas resté dans le giron de la Sainte Église ». Il m'a répondu « Il n'y a que les ânes qui n'avancent pas ». Donc ça a quand même fait cabusser ma foi, comme on dit. Et puis du côté protestant, j'avais le pasteur Don Dieu de Vabre. Vous savez, un lointain parent du ministre qui est un peu inquiété actuellement, et qui avait été aumônier militaire protestant pendant la guerre, et qui passait son temps à nous raconter toutes les horreurs qu'il avait vues pour nous dire surtout ne faites pas les mêmes. Alors ça aussi c'était pas mal, et puis le troisième homme d'église qui m'a beaucoup marqué, Eh bien, quand j'étais étudiant en Allemagne, on m'avait dit, il faut que tu ailles écouter les sermons de Joseph Ratzinger. Vous savez, qui est devenu Benoît XVI. Alors, je dois vous dire que j'étais en Bavière, c'est-à-dire l'Espagne ou Marin, nous sommes bavarois et les autres sont allemands. C'est ce qu'on me disait déjà. Ça n'a pas changé. Et donc, j'ai jamais entendu autant d'horreur dans la bouche d'un homme deux fois. Et il m'a rappelé vraiment l'aumônier de machin. Voilà. Et donc, tout ça a fait cabusser. En plus, bon, moi, j'ai une culture allemande du côté de la famille, un petit peu. Pour des raisons familiales, je me suis tourné vers l'Espagne. Puis j'étais passeur à Barcelone et pour le collège de philosophie de Tolède, où on prenait des philosophes bien pensants, on coupait les pages et on mettait à l'intérieur des philosophes qui étaient moins bien pensants pour les collègues espagnols philosophes, tout ça. Donc, ces lettres, elles m'ont touché, là, je vous donne un peu de ma vie, elles m'ont touché parce que, d'abord, elles résument au fond tout ce que mes parents, dans une certaine mesure, et ma famille, m'ont dit de faire, m'ont laissé cette liberté d'avoir. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, moi, après, en ayant eu des élèves ou des étudiants, d'avoir, de leur donner tout ça. Et ce texte est important parce que il est plein de justice, il est plein d'ouverture à l'autre, il est plein d'Europe, il est plein de justice, il est plein de social, et surtout, il donne à réfléchir sur qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce qu'il doit faire quand il sera ici. Et c'est cette simplicité de philosophie, qui est relativement simple, mais difficile à mettre en pratique, qui est, je crois, très importante dans ces lettres à l'émêlement. Ceci dit, Camus s'inscrit dans une longue lignée. Si on prend la vie de Camus, il est en 13, à novembre 13, son père meurt moins d'un an après sa naissance. Il y a 14, 19, la guerre. En 22, Mussolini s'installe. En 33, c'est Hitler. En 36, c'est Franco. 39, 45. Puis 45, 55, Doshin. Et 55, plus tard, Camus meurt en 60. Si vous faites le compte, il a vécu pratiquement toute sa vie pendant des guerres. Et pour faire bonne mesure, il était tuberculeux. Et vous avez vu les photos, il soignait souvent sa tuberculose en fumant beaucoup, ce qui n'est pas le meilleur moyen de la soigner. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu constamment dans un milieu où la guerre existait, où la misère en partie existait aussi, et où il n'a jamais perdu le sens de l'homme, de l'être humain, de la dignité que l'être humain pouvait avoir quand même, où on pouvait l'aider à avoir. Et il n'a jamais perdu le sens de cette Europe, puisqu'il a beaucoup circulé en Italie, notamment en Autriche, aux États-Unis, au Brésil, quand le Brésil était fréquentable. Il a beaucoup circulé. Et donc il a vu tout cela. Et ayant vu la vie qu'il a eue, les conditions dans lesquelles il a vécu, la notoriété qui était la sienne aussi, c'était quand même quelqu'un qui, lorsqu'il parlait, était écouté. Elle est écoutée. Donc, les lettres à l'ami allemand sont un peu le creuset de tout ça. Et c'est donc un texte que je lis souvent, que j'ai beaucoup conseillé. Et il était quand même dans une longue tradition, puisqu'au XIXe siècle, Renan, qui était un philosophe du XIXe siècle, Renan, déjà, après la guerre de 70, disait « Il y a deux Allemagnes, celle qui, comme la France, est l'Allemagne de la guerre, et celle qui est l'Allemagne de l'esprit ». Il s'inscrivait aussi dans la tradition d'un écrivain un peu oublié maintenant, qui s'appelait André Suarez, qui a écrit des pages vituperantes contre le régime nazi, contre Hitler, et qui a été mis à l'index par la propagande allemande, par la liste auto notamment. Quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, qui est Georges Duhamel, dont vous avez peut-être entendu parler, qui écrit un texte dans lequel il dit « L'Allemagne est un grand aboyeur », dit-il, « il s'appelle Hitler ». Vous pensez bien que ça n'a pas plu au régime, voilà. Il s'inscrit aussi dans toute une tradition d'humanistes qui ont bien soin de distinguer l'Allemagne, qui peut être l'Allemagne de l'esprit, celle de Goethe, celle de Wagner, après tout, pourquoi pas, celle qui a l'esprit, et puis celle qui est violente, comme chez nous, il y avait aussi des gens, Drummond, Desroulèdes, qui poussaient à la guerre, etc., donc il y en a partout. Et donc, il s'inscrit dans cette longue tradition. Et l'être un ami allemand s'inscrit dans cette tradition. C'est-à-dire que ce que Camus va publier après, pendant la guerre dans des journaux de résistance et après la guerre sous forme d'un bouquin chez Gallimard, C'est aussi le résultat de toute sa réflexion, mais de toute une réflexion humaniste et humaine qui est longue déjà, qui a déjà derrière elle une longue histoire. Et donc il va, dans un texte bref, synthétiser tout cela de façon que le lecteur soit frappé du fait des mots qui reviennent. On a entendu tous les toralines, le mot « homme » revient, par exemple. C'est-à-dire, il est très bien comme un écrivain, il sait très bien comment il faut frapper les esprits et les pousser à réfléchir. Et donc, ces lettres et l'amélement, c'est là leur fonction, en fait, leur valeur principale aussi, c'est qu'on ne peut pas rester inerte et de dire que c'est qu'un texte de littérature. Ce n'est pas qu'un texte de littérature. Et je crois qu'il faut le lire encore beaucoup maintenant, à la lumière de ce qui se passe en Europe. Je veux dire, l'Europe que défend Camus, ce n'est pas du tout l'Europe de Ursula von der Leyen, qui est la présidente de l'Europe, de Macron et d'un certain nombre d'autres. C'est-à-dire, il faut savoir aussi que, à intervalles réguliers, comme a dit Alessandro tout à l'heure, les tentatives restrictives reviennent, mais que si on lit Camus et si on le défend, mais comme je dis, moi j'agite pas mon petit Camus comme dans le livre de Marou, ça veut dire il y a tout là-dedans, etc. Je le maintiens, j'agite pas mon petit Camus, et je dis pas non plus toutes les réponses, on a Camus. Mais elles ne sont pas dans Camus, mais quand on le lit, on se dit, voyons, qu'est-ce qu'il a dit, et qu'est-ce que je pense moi, et qu'est-ce que j'ai à faire. Et donc c'est une fantastique, une remarquable incitation à prendre nos propres responsabilités, et à dire, voilà, ben moi je ne suis pas d'accord, parce que je ne dis pas que j'ai raison fondamentalement, mais je pense que je n'ai pas fondamentalement tort non plus. Voilà. Et donc, je crois que ces textes, ces lettres, difficiles parce que chaque mot pèse, chaque mot a son poids, mais sont de remarquables incitations à nous propulser plus loin et à nous inciter à combattre. Camus emploie des mots de la guerre là-dedans. Il emploie des mots combattre, il emploie des mots. Mais il ne traite jamais cet ancien ami allemand d'ennemi. Il le respecte toujours, c'est-à-dire que c'est un ancien ami. Donc ce culte de l'amitié. Et c'est ça qui est important aussi. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, et heureusement d'ailleurs, on n'est pas d'accord avec quelqu'un, mais c'est réciproque, hein, heureusement, mais on peut toujours, c'est ce que m'avaient donné mes parents, en disant, tu respectes l'autre, après, tu fais ce que tu veux, mais tu n'emmerdes pas l'autre. Si tu ne veux pas être en arrière d'autre bord. C'est déjà pas mal, voilà. Donc c'est pour ça que ces lettres un ami allemand, avec, évidemment, avec la sonde, nous sommes très proches, j'ai beaucoup d'idées, bien évidemment, mais c'est que il y a de grandes continuités entre cette Europe dont nous a parlé Alessandre et cette Europe dont Camus parle. Et il y a, à la fin de la lettre, le passage important, qui est d'ailleurs assez émouvant, il a eu dit la quatrième lettre, je vous écris d'une ville où la vie existe toujours, c'est Paris, et il lui écrit à la fin, cet avantage que vous aviez sur nous, vous voyez que vous continuez de l'avoir, mais il fut aussi bien notre supériorité, et c'est elle qui me rend maintenant cette nuit légère. Voici notre force, qui est de penser comme vous sur la profondeur du monde, de ne rien refuser le drame qui est le nôtre, mais en même temps d'avoir sauvé l'idée de l'homme au bout de ce désastre de l'intelligence et d'en tirer l'infatigable courage de renaissance. Certes, l'accusation que nous portons contre le monde n'en est pas allégée. Nous avons payé trop cher cette nouvelle science pour que notre condition ait cessé de nous paraître désespérante. Des centaines de milliers d'hommes assassinés au petit jour, les murs terribles des prisons, une Europe dont la terre est fumante de millions de cadavres qui ont été ses enfants. Il a fallu tout cela pour payer l'acquisition de deux ou trois nuances qui n'auront peut-être pas d'autre utilité que d'aider quelques-uns d'entre nous à mieux mourir. Oui, cela est désespérant, mais nous avons à faire la preuve que nous ne méritons pas tant d'injustice. C'est la tâche que nous nous sommes fixés, elle commencera demain, dans cette nuit d'Europe, où courent les souffles de l'été, des millions d'hommes armés ou désarmés se préparent au combat. L'aube va poindre où vous serez enfin vaincus. Je sais que le ciel, qui fut indifférent à vos atroces victoires, le sera encore à votre juste défaite. Aujourd'hui encore, je n'attends rien de lui, mais nous aurons du moins contribué à sauver la créature de la solitude où vous vouliez la mettre. Pour avoir dédaigné cette fidélité à l'homme, C'est vous qui, par milliers, allez mourir solitaire. Maintenant, je puis vous dire adieu. Voilà. Bon. C'est un texte remuant, certes, mais qui dit véritablement tout ce qu'il a à dire, à savoir qu'il emploie un langage guerrier, c'est le passage certainement dans lequel il y a plus de mots guerriers, mais il a soin d'opposer cette Europe de l'intelligence, avec tout ce que vous avez dit, Alessandre, pour Camus, hein, et cette Europe du sang, cette Europe de la guerre, qui était celle à la fois des nazis et des collabos. Il faut être très clair de ce côté-là. Ce n'est pas une défense de la France contre l'Allemagne, c'est une défense d'un pays, la France, le sien, hein, d'un pays dans lequel il n'y avait pas que des collabos, et défense commune avec un pays où il n'y avait pas que des nazis, qui était l'Allemagne. Et c'est ça aussi la notion importante. D'autant plus que, de nos jours, on parle beaucoup du couple franco-allemand, hein, alors tout le monde. Alors, c'est comme tous les couples, il y a les couples qui divorcent, il y a les couples qui se tournent, c'est l'hôtel du cul tourné, et puis il y a les couples qui arrivent à vivre ensemble. Mais je crois que le couple franco-allemand tel que Camus le décrit là-dedans, c'est pas tout à fait le couple de Madame Merkel et de Emmanuel Macron. Voilà. Et donc moi je préfère l'entente franco-allemande selon Camus parce qu'elle est actuelle, parce qu'elle est prospective, parce qu'elle est toujours à réinventer, et parce qu'elle est surtout plus humaine et plus juste et plus sociale. Voilà pourquoi je vous engage vivement à lire ce texte. Alors, merci pour vos interventions à tous les deux, différentes et complémentaires. Et donc maintenant, bon, on va pas aller trop tard, mais on va faire une demi-heure de débat, on va dire jusqu'à vers 9h. Donc à vous la parole, des éclaircissements, des précisions, des questions. Allez-y. Je suis sûr que Lou Marin va nous dire quelque chose. C'est pas plus lourd, le matin. Pas tout de suite. Passe à la deuxième question. Je veux bien ouvrir, en fait, oui. Si vous me permettez. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a quand même. Je n'ai pas tout compris dans cette idée de fédéralisme européen. Il m'a semblé que Albert Camus tournait le dos à ses origines, à ses frères algériens. Est-ce que dans ce projet fédéraliste, il a été à un moment ou à un autre question du colonialisme ? Bien sûr. Bah, oui. Alors, l'Europe était profondément colonialiste encore. Bien sûr. Voilà. Et en fait, le sujet est très large et comment résoudre les problèmes coloniaux ? Je n'ai pas touché, mais merci pour la question. Parce que alors, je me relis à ce que j'ai dit au départ. Que les jeunes Camus à 17, 18 ans écrivaient dans l'ICDAM, que c'était une revue du petit-fils de l'émir Abdelkader, un des pères de l'indépendance algérienne. Donc, il avait toute une vision des. Anticolonial, comme je vous ai dit au départ. Mais alors, donc Camus, pendant toutes les années 30, prend la parole pour. Voilà. Ça, je sais, mais. Bon, oui, bien sûr, mais je dois quand même faire. Sinon, si on coupe la narration. Donc, si aux années 30, il est dans le mouvement, il prend parti pour. Les partis de Messali Haji, par exemple, et les partis du peuple algérien. Et j'ai dit ça pourquoi ? Parce que c'est important de voir comme Camus et le fédéralisme, justement, Camus à un moment donné écrit qu'est-ce que c'est le fédéralisme ? C'est l'union des différences. Et donc, dans un monde qui a été partagé dans des nationalismes mortels, Camus, comme je souligne toujours qu'il n'était pas seul, je veux dire, il était un homme au milieu de son histoire. Donc il partageait ses idées avec les mouvements qui étaient autour de lui. Donc, il est pour une évolution, une émancipation de la population arabe-musulmane, parce que c'est une contradiction en termes d'avoir un pays où l'arabe est une langue étrangère en Algérie, où il y a l'économie qui est gérée par une élite coloniale et tout. Donc, mais la vision de Camus est fille de la complexité de son époque. C'est-à-dire que il voyait l'évolution de l'Algérie. D'un côté, il faut le faire ça que je viens de dire. De l'autre côté, il disait, bon, c'est aussi dommage de tout détruire. C'est-à-dire que les peuples se sont toujours rencontrés. Et les Romains sont allés en Angleterre et ont fondé Londres. Pour dire. Et aujourd'hui, Londres est encore là. Et donc, il disait, la présence française est une présence qu'il y a depuis un siècle et demi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Une guerre, mais si possible pas, parce que donc si on a au centre de notre vision l'homme et la communauté, donc la question algérienne revient au 45, bien sûr, après la guerre, avec les émeutes de Guelma et Sétif, et où Camus prend la parole pour dire la France ne comprend pas comme pourquoi elle est si haïe, et l'Algérie est un problème. Donc, reprenons Ferhat Abbas, qui avait fait une brochure qui disait l'Algérie est un problème de l'Europe, un problème européen. Et donc, en 45, déjà, Camus prend pour une France pour la défense de certains, d'une Algérie qui ne doit pas être écrasée par l'armée, parce qu'il y a eu une répression énorme, et il a écrit là-dessus sur combat, notamment, toute une série d'articles que je vous suggère d'aller lire. Et ensuite, la grande question que je pense que les sous-entendus de votre question, c'était la position de Camus vis-à-vis de la guerre d'Algérie. Et alors là, je peux... Non, du colonialisme, est-ce que c'était abordé par... le mouvement fédéraliste. Bien sûr, il fallait. Alors, dans le programme de la résistance, il y a. Je peux chercher à le lire, mais c'est mieux que je me souviens à voix, de vive voix. Les pays, il fallait donner l'indépendance aux pays colonialistes dans une optique de collaboration, quand même. Parce que, comme je vous dis, que comment effacer 1,5 million de la population de sources européennes, sinon avec une guerre sanglante. Voilà, la problématique de fond de Camus, c'était comment éviter les massacres. Et donc, son questionnement, qui était le questionnement aussi de mes alliages, qui avaient épuisé une Française, était comment on peut essayer de vivre ensemble. Donc ça, c'était sa vision anticoloniale. On dépasse le colonialisme pour arriver à une nouvelle société qui est, comme je disais au départ, nous, on dit toujours que l'homme est un enfant grandi et on cherche toujours de retourner à notre... de reproduire notre enfance, adolescence. Donc, le modèle de Camus était le modèle d'une société multiple qu'il avait vécue. Et ses camarades étaient berbères, arabes, italiens, maltais. Voyons ce qui s'est passé en Angleterre. Aujourd'hui, personne ne met en doute que la Nigeria est un pays indépendant, mais fait partie d'un Commonwealth anglais, qui est en forme de fédéralisme. Et donc, Commonwealth, ça veut dire bien commun. Donc, ce que Camus prenait avec d'autres. Avec son messalliage, quand il était arrêté par la police pétainiste, Pétain et la police disaient « Mais tu peux collaborer avec nous, on va te libérer. » Et lui, fièrement, messalliage dit « Non, je ne veux pas collaborer avec vous. Moi, je revendique ce que j'ai toujours dit. Je veux que, on ne veut pas une séparation de la France. » On veut une collaboration, on veut être respecté. Et dans ce cadre-là, l'Algérie aurait dû avoir une assemblée constituante, être une république autonome, et avec, dans un cadre fédéré avec le Maroc et la Tunisie, par exemple, et pas ennemi forcément de l'ex-pays colonial. C'est difficile, mais c'est quand même un défi. C'est mieux quand même. Alors, si on veut aller plus loin, le problème n'était pas. Le problème, Camille l'a dit souvent, c'était l'État français. La France a voulu la guerre. Les responsabilités de la guerre, c'était la France. Et j'arrive à la guerre d'Algérie. Donc, il était bien sûr contre la FLN, Camille. Ça, c'était ce qu'on lui rapproche. Mais aujourd'hui, on voit ce que a fait la FLN du pays. Et je veux dire, les problèmes que vous voyez Camus dans la FLN, c'était un problème de stalinisme, madame. C'est tout ça. Par exemple, les MNA, il y avait aussi une guerre entre Algériens à l'époque. Parce que les mouvements, là, c'était comme... Mais dans tous les mouvements de libération, il y a des antagonismes, je veux dire, c'est pas propre à voilà, la guerre. Mais je veux dire, c'était pas que... alors, avoir l'idée de Camus qui défend le colonialisme, pour moi, c'est la chose la plus ridicule. Je demande quelle est sa position au moment du fédéralisme. Au moment? De quel moment? Pendant la guerre. Ah oui, pendant la guerre, c'est ça, comme je l'ai dit. Alors, selon lui, le colonialisme devait mourir pour créer un nouveau rapport entre ex-colonisés et colonisateurs. Cioè, quand même, en essayant de ne pas être ennemi. Donc, les élites coloniales devaient être virées, créer une assemblée constituante algérienne. Et où, au lieu d'avoir l'exploitation des banques, il devait y avoir une coopération avec le mouvement ouvrier européen, c'est plutôt. Et donc, on devait sortir du colonialisme, mais le souci de Camus était d'éviter des massacres. Ça, c'était. Voilà, le fédéralisme était vu par Camus et le fédéralisme en lui. Proposé de sortir du colonialisme avec une vision mondialiste, une fédération mondiale, qui est aussi ce qui est dit à Kim Bay, par exemple. Si je peux ajouter quelque chose, ce qui est reproché à Camus, essentiellement en Algérie, c'est ces 11 articles de Misère de la Kabylie qui publient en juin 1939. C'est encore un problème que nous avons régulièrement avec l'Algérie, une partie de l'Algérie. Parce que qu'est-ce qu'il dit dans ces articles? Il dit « Le gouvernement français et les gouvernements arabes s'honoreraient à donner à la Kabylie les mêmes droits qu'elle donne aux autres. » Ça, ça n'a jamais été pardonné et ça ne lui est toujours pas pardonné. Ce qui fait qu'on considère que c'est toujours un affreux colonialiste parce qu'il ne veut pas se séparer, il ne veut pas dire ouvertement que... On lui reproche à tort d'avoir dit « je suis favorable à l'indépendance ». Et on ne peut pas dire ce qu'il aurait pensé, puisqu'il meurt le 4 janvier 60, la guerre n'est pas terminée. Mais je ne sais pas si vous le savez, enfin vous savez qu'actuellement, ça bouge beaucoup en Algérie. Il y a beaucoup de manifestants. Mais quand même une chose qui, à mon avis, est très troublante, c'est que les Kabyles sont interdits de manifester. C'est-à-dire que la police algérienne filtre les voitures qui viennent de Kabylie et ils font retourner chez eux. Alors je veux bien que la télévision, qui est aux ordres, nous dise que tout se passe dans le calme, la non-violence, etc. Mais c'est pas si clair que ça, parce que quand on interdit dans son propre pays, qui a maintenant une indépendance, à une partie de son pays de manifester sous prétexte qu'ils sont kabyles, et de l'autre côté, pour être tout à fait clair, les kabyles étaient chez eux avant les arabes. C'est-à-dire que d'un côté, les envahisseurs, les premiers colonisateurs des kabyles. Plutôt les amazirs, parce que la Kabylie, c'est une région d'Algérie. Oui. C'est ce qu'on confond justement, de dire kabyle comme l'emblème amazir, qui est l'emblème d'Afrique du Nord. Oui. Donc le problème en Algérie en ce moment, avec l'État, il a essayé de séparer les gens. Oui. Par rapport à ça, parce qu'on se dit, notre histoire, il faut qu'on l'a... réapproprié, c'est comme vous disiez arabo-musulman, non, on n'était pas arabo-musulman, c'était un pays amazir, voilà, c'était l'homme libre. Oui, donc qu'est-ce qui se passe en Algérie maintenant? C'est l'État qui dit Kabyle, parce que Kabyle c'est juste une région d'Algérie, C'est vrai que pendant la guerre de libération, c'était une région qui était très pauvre, à qui on a spolié les terres. Et d'ailleurs, la première immigration qu'il y a eu en France, c'est l'immigration kabyle. Et c'est vrai que la France, en ce moment, on lui en veut. Personnellement, je suis franco-algérienne. On lui en veut parce que c'est bouche cousue. Là, hier, ils étaient en train de tirer à balle à caoutchouc. Demain, oui, hier, regardez sur Facebook. Donc on a plein de blessés là, hier. Demain, ça sera balle réelle comme en 2001. Donc ce qu'Albert Camus, justement, quand on parle du fédéralisme, il l'avait déjà trouvé le fédéralisme dans les populations berbères, que ce soit dans le sud, etc. C'était les haches, c'était le village. Après, elle a grandi et les gens s'entraidaient. Quand, par exemple, quelqu'un devait faire des semences, c'était tout le village qui venait aider telle personne. Il existait, c'est-à-dire la France, le colonialisme n'a rien rapporté, on avait déjà une civilisation. Donc, pourquoi il y a eu le rejet du ce que vous dites, c'est vrai, avec tous les gens qui sont venus, c'était des Italiens, c'était la guerre. Enfin, quand on avait marre des paysans qu'il y avait en France, etc., on les envoyait en Algérie, on enlevait les terres aux Algériens, on les donnait aux Italiens, aux Espagnols, etc. C'est ce qu'il y a eu. Et c'est vrai que ces gens-là, c'est devenu leur pays. Moi, je comprends, je suis d'accord. Avec 4, 5 générations, 6 générations, c'est comme le franco-algérien qui est là, avec 6 générations, du jour au lendemain, le 6e, on lui dit, ah ben, tu repars à mon employeur, que lui, il te dit, ah, c'est pas le mien. Je comprends. Mais c'était le fait de dire qu'une certaine population, la France a bien combattu l'Allemagne, parce qu'elle était colonisée. Quand on est colonisé, c'est dur. Donc voilà. Albert Camus, c'est dans ce petit flac, je pense, qui ne parlait pas du colonialisme. Je vois tout à fait ce que vous dites. Voilà. Et je suis même touché parce que j'ai l'Algérie dans mon cœur. Non, mais ce que je voulais. Tu as fait ta thèse sur les mouvements nationaux algériens. Oui. Mais bon, donc ce que je voulais pour aller un peu plus loin. Alors, la guerre d'Algérie a éclaté et tout ce questionnement-là, c'était dans une période où on était un peu en arrière. Parce que la proposition de Camus, au final, n'a rien de différent de ce qu'a réalisé Nelson Mandela aux Afriques du Sud. Cioè, imaginons-nous aujourd'hui, aux années 90, s'il y avait eu une véritable guerre aux Afriques du Sud, qu'est-ce que devenait ? C'était un massacre énorme. Oui, c'est vrai. Voilà, je veux dire ça pour mettre les choses à sa place. Camus est un homme de paix. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que donc, Camus a grandi dans un monde en guerre. Donc, pour lui, le fédéralisme, bien sûr, il n'était pas un gros théoricien. Il était un homme de la rue, Camus. C'était un fils du peuple qui a grandi comme nous. Donc, il n'avait pas vraiment, il n'était pas un politicien avec le pouvoir. Et sa société était la société algérienne qu'il avait vue. Donc, pour lui, il avait mal au cœur à voir ses frères qui sont tués. Et donc, voilà. Et c'était pas quelqu'un qui était hors de la plaque. Il était au milieu de la plaque. Donc, toute la question, Camus n'a jamais dit que l'Algérie devait être indépendante. Moi, moi-même, j'ai trouvé une réponse. Elle est toujours là, dans les fédéralistes. C'est-à-dire que si tu me dis l'Algérie doit être indépendante ou pas, et moi je suis partagé parce que je sais que ça entraîne toute une violence de discussion. Hein. Dire que si j'ai dit non, je suis fédéraliste, donc je pense que l'Algérie a droit à devenir une république autonome avec sa constitution, parce que c'est ça qu'il écrit. Non, avec sa constitution, Alger devait, selon lui, après en 1945, devenir capitale fédérale. Oui. Tu vois ce que je dis. Donc, je termine mon raisonnement qui est limpide, ne fait pas un pli. Tu dire ça par la droite française, l'OAS, il était condamné à mort. Donc, si on le rapproche de n'être pas trop anticolonialiste, on doit penser que de l'autre parti, les fachos, les nationalismes, les autoritaires le voyaient comme l'ennemi. Parce que dire Alger capitale fédérale était un gros mot, une blasphémie pour la droite française. Donc, et je termine, il n'a pas dit oui, l'Algérie doit être indépendante, hein, mais dire ça, l'Algérie doit avoir droit à être république avec sa constitution, Alger capitale, c'est dans une vision fédéraliste. Le fédéralisme, que c'est quoi? C'est un pacte entre pairs. Donc, et réversible. Donc, les plus avertis peuvent bien comprendre que dire, oui, on fait un fédéralisme avec l'Algérie ou l'Algérie a sa constitution. Est intéressant pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir eu une guerre, on aurait eu une Algérie qui, au lieu de s'être forgée par l'armée de libération nationale, se serait forgée par un parlement à des élections. C'est une forme acceptable ou pas, mais meilleure que la guerre. Je suis d'accord avec vous. Et parce que la guerre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué des centaines de personnes. Des gens qui étaient légitimes, alors qu'il fallait rester dans le camp Al-Barkhane. C'était l'humain qui était au centre et qui était le plus important. Ouais. Et que le problème n'a pas été réglé, puisqu'on a toujours été colonisé par nos propres. Parce qu'on ne sait pas qui nous gouvernait, c'est ce qui se passe en ce moment. Et quand vous me dites qu'ils empêchent la Kabylie, parce que ça a toujours été une région rebelle, parce que la Kabylie parle du fédéralisme, parce qu'ils ont lu beaucoup la Al-Barkhane, je ne sais pas. Ils parlent du. C'est Camus qui a écouté les Kabylie. D'une autonomie de la Kabylie. Ou bien qu'il a. Oui, parce que. Oui, voilà. Ouais. Ils parlent, parce qu'il y a certains, il y a le MAC, on a. Pour l'autonomie de la Kabylie. On a d'autres, on est contre une autonomie parce qu'après on ne va pas manger des yaourts quand même. Ouais. Mais un fédéralisme aurait été une bonne chose pour nous maintenant. Moi je suis d'accord. Oui, donc, c'était pour dire bon. Oui, il y avait Taos à Montrouge. Il y avait Jean à Montrouge. Oui, je suis partie là. L'Algérie fédérée aurait pu faire un référendum pour l'Écosse et demander l'indépendance ou la Catalogne. Ou la Catalogne. Oui, mais l'État espagnol. Non, c'est-à-dire l'humain. Les juifs espagnols ont été nommés. Non, c'est l'humain qui m'intéresse. C'est même pas les langues ou les trucs, justement. C'est l'humain. Voilà. On va vous dire merci. Et territorialement, Camus, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie étaient l'un des points de départ de l'Europe qui allait jusqu'à Moscou. Oui. C'était un territoire aussi de paix. Donc, et l'Algérie, la Tunisie et le Maroc n'avaient pas le même statut que l'Algérie. Et dans le colonialisme, je veux dire, si actuellement il n'y avait pas un désert au sud de l'Algérie et du gaz quelque part, on serait dans une colonisation interne qu'on a toujours. Oui. Bien le dire. Vous avez raison. Un des anciens maires de Marseille, qui était une belle pantoufle, un garçon de fer, en 74, avait dit, c'est une vieille pantoufle, avait dit que dans une campagne, quand nous sortirons du colonialisme pétrolier, pour une fois, il avait quand même été mieux qu'un poisson frit, de temps en temps, il avait quand même raison. 74. Sur ce point-là, le reste, voilà. Merci. Oui. En 58, Camus a sorti actuel trois chroniques de l'Algérie. Dans l'introduction, il y a deux phrases décisives sur votre question. Premier, il dit le colonialisme est terminé. Le statu quo est terminé. Les Français n'ont plus le droit de dominer ces deux temps-là. Ils ont seulement le droit de ne pas être dominés. C'est clair. Il a répété ça à plusieurs choses. Dans l'introduction de la chronique algérienne, il y a aussi une deuxième phrase, c'est Gandhi a prouvé qu'on peut arriver à réussir son combat sans des morts. Il a pris la position de Gandhi. Gandhi était clairement, et tout le monde le savait, anticolonialiste. Donc il a montré une voie alternative. Et c'est ce qu'il a poursuivi de toutes ses positions dans la guerre d'Algérie. Et ça, c'est né, ça m'a peut-être manqué. Est-ce que tu sais probablement quand Ignazio Silone était en Suisse pendant la guerre, il a écrit un texte sur la désobéissance civile. Oui. Et c'est vraiment étonnant parce que là, il a trouvé Jean-Paul Samson, qui est devenu son traducteur en français. Samson a eu, plus tard, il a sorti un journal, Témoin, et Camus a fréquemment écrit dedans. Et là, c'était un peu un lien aussi entre Silone et Camus. Et vous avez déjà évoqué la non-violence dans les lettres. Il y a aussi un texte très intéressant directement après la libération, un combat qui s'appelle sur les fins et les moyens. C'est très étonnant. Dans une situation où même la Deuxième Guerre mondiale n'est pas encore terminée, qu'il pousse vraiment sur ce truc-là. Et j'évoque aussi un autre chose, c'est son expérience à Chambon-sur-Lignon pendant la résistance, quand il a vécu le sauvetage des Juifs en masse là à l'époque. Et dans Ni victime ni bourreau, il écrit dans Sauver le corps, le deuxième texte, sauver les corps au lieu de les sacrifier, qui est déjà un ode de son critique de philosophie, de Sartre, de philosophie, de l'histoire, de sacrifier les gens aujourd'hui pour un rapprochement de la société socialiste. Donc ça, c'est déjà dedans, dès la résistance, un approchement vers la non-violence qu'il développe, qui évolue et qui prend la position déterminée au sein de son anticolonialisme. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et il y a une phrase aussi que Camus, à un moment donné, dit, et je trouve très significative dans cette direction, quand, par rapport à l'FLN, à un moment dit, l'FLN sont les usurpateurs de l'indépendance. C'est-à-dire qu'il voyait, donc, les combats de sa vie étaient l'Algérie. Et donc, dans la durée, selon lui, il voyait donc une évolution pacifique. Et donc, par exemple, il y a d'autres passages, comme par rapport au mouvement de l'essaliage. Et, par exemple, quand il y a la révolte de... de Budapest. Et il dit, ben, j'ai pas entendu un mot par la FLN. Le seul qui a condamné l'invasion soviétique, c'est le mouvement de l'essaliage. Donc, je répète aussi qu'il faut contextualiser à une époque où il y avait la guerre froide. Et donc, le problème du stalinisme était là. Donc, nous, il est toujours en Algérie, et la Russie est en train de. C'est, oui. Russie, c'est elle qui. Oui. Qui ouais. Et la Russie, l'Arabie Saoudite, la France, le gouvernement français qui sont en train de gouverner notre pays, en fait. Alors que le mouvement citoyen qui est là en Algérie en ce moment, depuis 9 mois, c'est un mouvement citoyen qui est devenu une révolution pacifique. On n'a aucune. Ouais. Là, il n'y a que hier où ils ont commencé à tirer, parce qu'il y a des élections, ouais, ils ont commencé à tirer. À balles, parce qu'ils ont interdit un des gens qui faisait passer du massacre de 2001 d'être qui c'est candidat. C'est Benflis qui est parti à Béchaïa. Donc, partout ailleurs, on a essayé de les. Ils n'ont plus arrêté les gens, ils ont tout fermé, etc. Ouais. Et là, Benflis. La police a commencé. Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé. Voilà, c'est les premières. Moi, je pense que l'État. J'espère que les gens vont rester pacifiques. Oui, voilà. Moi, je suis depuis le départ la révolte algérienne depuis 9 mois, et j'ai trouvé vraiment extraordinaire ce que le peuple algérien est en train de démontrer. Moi, je pense que Camus serait très fier aujourd'hui. Oui. C'est parce que c'est vraiment avec une créativité, avec une continuité dans la l'utilisation des moyens. Parce qu'on a une nouvelle génération qui est la génération d'Internet. Les gens sont un peu restés dans l'obscurantisme. On n'avait que 10 ans de terrorisme. La nouvelle génération a envie de vivre, comme vous dites. Se disent, on est des êtres humains, on a envie de vivre. Et grâce à l'Internet, grâce à Facebook, les gens ont pu se fédérer, ont pu c'est comme ça que la révolution a pu être autrement. 48 wilayas, ce qu'on appelle du département, il y a toujours eu problème de régionalisme. Oui. Pour la première fois, ils se sont soulevés quand un seul homme. Et je pense que oui, on est fiers, nous aussi, que tout le monde puisse s'entendre, qu'on est de cultures très très différentes et qu'on est une force, normalement, comme vous dites. Et voilà. Oui. Vas-y, là, tu me dis. Voilà, oui. Je voudrais, parce que je m'avance aussi quand vous m'arrêtez. Vas-y, vas-y. Je voudrais dire deux mots sur les fédéralistes et le colonialisme. Deux choses. Dans un des bouquins qu'on a publié de Guido Montani, alors ça concerne la fin des luttes coloniales, il y a, qui s'appelle l'Europe, le tiers-monde et l'intégration européenne, j'en ai pas amené, mais s'il y a des gens intéressés, je peux leur envoyer, même gratuitement d'ailleurs. Il y a une centaine de pages de textes de leaders fédéralistes africains au moment des luttes coloniales, en particulier de Senghor, de Nyerere et de Nkrumah, en particulier de Nkrumah, également de Cheikh Anta Diop, qui n'était pas un politicien, c'était au contraire un universitaire, tous des gens qui disaient « il faut absolument que l'Afrique se fédère avant même l'indépendance, sans quoi elle sera balkanisée dans les frontières de Berlin et ça sera une catastrophe absolue. » On a eu des contacts, enfin les fédéralistes ont eu des contacts, en particulier Senghor a été, avant même d'être président du Sénégal, le président de l'intergroupe fédéraliste européen de l'Assemblée nationale. C'est une chose qui peut vous intéresser, les textes de Senghor, de Nkrumah en particulier, Unité africaine, Unité mondiale, etc., sont des textes absolument, et de Nyerere sont passionnants. La deuxième chose, Spinelli, qui avait été condamné à 20 ans de prison en tant que secrétaire des jeunesses communistes à Rome, a pendant la guerre d'Algérie eu une correspondance, c'est tout, tous les courriers sont aux archives de l'Union européenne, les archives historiques de l'Union européenne à Florence, dans le fonds Spinelli. Je travaille dessus en ce moment. Il y a une quinzaine ou une vingtaine d'échanges de courriers entre Spinelli et l'un des chefs du FLN emprisonné à Fresnes. Et il y a même des courriers où ce Mohamed, dont j'ai oublié le nom, dit à mon cher Altiero, ben il communique parce que lui a été prisonnier, donc il a un peu adopté cet Algérien et il s'exprime. Bien sûr, vous ferez plaisir. Pardon ? Si c'est le Mohamed Boudiaf que vous parlez, ça me ferait plaisir. Je ne sais plus, je ne me rappelle pas, parce que j'ai travaillé dessus il y a quelque temps, mais ce que je veux dire, c'est que ça va jusqu'à le fait que, dans un courrier, Mohamed, je ne sais plus qui, excusez-moi, demande à Altiero Spinelli de lui envoyer d'autres cartes du mouvement fédéraliste européen, parce qu'il a des camarades qui, eux aussi, veulent adhérer parce qu'ils sont d'accord avec ce que prône le mouvement fédéraliste européen, une Algérie indépendante, fédérée avec les pays du Maghreb et fédérée avec l'Europe comme étape vers une fédération mondiale. Voilà quel est le genre d'attitude. Et j'ai trouvé des textes alors de réflexion politique à Lyon sur le problème algérien, le problème africain, effectivement, où les militants lyonnais, dans les années 55-60, disait il faut demander au comité central européen du mouvement fédéraliste de demander à ses juristes, en particulier Guillerot, Muschelli, etc., de travailler à une constitution à proposer aux leaders du FLN et aux dirigeants français pour une résolution au niveau européen du problème du colonialisme, etc. Et donc, une Afrique du Nord fédérée avec l'Europe. Ça veut dire évidemment qu'il doit sous un plan d'égalité. Est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir, sinon on continue. Ajouter juste une chose, c'est la fameuse phrase de Camus, « Entre la justice et ma mère, je choisirai ma mère. » Vous donnez votre nom. Oui. Pardon. Excusez-moi. Michel. Non, mais votre mail, je vous enverrai. Mais non, mais vous verrez. C'est pas de conversation privée. Non, mais après, j'ai oublié. Oui, cette fameuse. Je sais qui c'est, moi, je sens mal. Cette fameuse phrase est à bannir complètement parce qu'elle est fausse. Parce que, entre ma mère et la justice, je choisirai ma mère. Cette fameuse phrase. Camus a bien écrit ce genre de choses-là, mais il n'a pas écrit comme ça. Et ça, c'est chaque fois, ça nous est balancé dans les dents. Il répond à ce jeune Algérien qu'il a violemment pris à partie après le discours du prix Nobel, et qui lui reproche, évidemment, de ne pas avoir dit qu'il était pour l'indépendance de l'Algérie, etc. Et il lui répond, et on a transcrit son texte. Camus écrit la violence qui chaque jour s'exerce en Algérie peut toucher votre famille comme peut toucher la mienne. Cette violence aveugle peut toucher votre famille comme elle peut toucher la mienne. Entre la justice et la mort, je choisirai la justice. C'est-à-dire que ce que je ferai moi, je le fais aussi pour vous. Parce que cette violence aveugle peut toucher votre famille comme la mienne. Alors, quand on isole cette phrase, on dit oui, Camus, il était pour le massacre en toute impunité de la partie algérienne, des Arabes, et puis pour lui, choisit sa mère. C'est totalement faux. Parce qu'il renvoie à l'Algérien en lui disant « La violence aveugle qui s'exerce dans les rues d'Alger peut toucher votre famille comme la mienne. » Autrement dit, entre la justice et ma mère ou notre mère, je choisirai la justice. Mais la même chose pour vous. Donc, cette phrase qu'on sort, et là, je vais être un peu polémique, mais les Sartriens savent très bien le faire, ce genre de choses-là. Hein, voilà. Eh bien, il faut complètement bannir l'explication étroite qui allait donner et qui est contraire à la pensée de Camus et contraire à toute la pensée, parce que, encore ce que vous disiez, madame, il n'y a pas de différence entre les populations qui étaient en Algérie, qu'elles étaient arabes ou tout. Moi, j'étais au lycée en 62 quand ils sont rentrés. On avait rentré deux catégories de Français, ceux qui n'avaient rien et ceux qui avaient tout. Et ceux qui avaient tout étaient infects. Avec ceux qui n'avaient rien. Esclaves, je leur disais, porte mon cartable. Esclaves, ramasse mon mouchoir. J'ai entendu jusqu'au jour où il avait été absolument haïssable. Maintenant, il a pignon sur un lit, mais quand il me voit, il m'évite. Avec trois coupeurs, tu as foutu une roue, c'est alors qu'une nulle. Hein, je veux dire, dans une salle du lycée d'Odé, ah, il a eu du mal à s'asseoir pendant un certain temps. Mais c'était ça, hein, c'était ça. Et moi, j'ai été directeur d'école avant d'entrer en prof faculté. Eh bien, l'administration m'avait dit, monsieur Meunier, il faudrait que vous preniez la direction du camp de l'Ardoise, le fameux camp de l'Ardoise. C'était à côté de Chaux, c'était à côté d'Avignon. Le camp était fermé tous les soirs, à clé. Il y a des barbelés tout autour, des grillages, et on s'enfermait là-dedans, et ils étaient parqués. Alors j'ai dit, moi, en tant que fonctionnaire, si vous m'y obligez, je le prendrai. Mais j'y foutrais feu. Comme on savait, j'avais déjà mis feu à une vie, parce que dans une autre vie, on savait très bien ce qui allait se passer. Mais ils étaient parqués. Et ça, si vous le savez aussi, la fameuse ABCG dans le département du Gard, l'atelier national qui répare les tapis, etc. Mais il faut savoir qu'à l'époque, on disait oui, les femmes berbères qui sont venues avec leurs maris dans ces camps, elles savent faire les tapis. Donc on les mettait, les femmes ABCG, et leurs maris et leurs enfants là-dedans. Après, j'ai une étudiante qui était née dans ce camp, où elle m'a raconté des vertes et des pas mûres. Bon, je le savais. C'est là que je lui ai dit, mais je me foutu de feu si j'avais été. Donc, il faut aussi balayer un peu devant notre propre porte. Ça se passait certes après la guerre d'Algérie, mais ce que je vous raconte là, le camp de l'Ardoise, moi c'était en 74. 74, c'est pas quand même si vieux que ça. Et donc, il ne faut pas oublier un certain nombre de choses qui, comme dit Alessandro, contextuelles, sont contextuelles, mais quand on fait le tour de ce qui se passe actuellement, ben, ce n'est pas complètement disparu, même chez nous. Hein. Et dernière question, mais nous, Marais, tu dois le savoir. Les dommages de guerre qui ont été infligés à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, savez-vous en quelle année l'Allemagne a fini de les payer? 2010. D'abord, on savait. L'argent, ils ont toujours assez. Exactement. Tu as raison. Je suis pas trop fier de ça. Voilà. Mais je veux dire, il faut aussi de temps en temps voir un petit peu, comment dire, ce qui se passe devant nos portes. Voilà. On va continuer après la discussion autour d'un verre. Oui, je voulais dire, raconter quelque chose d'amusant à propos des Amazites. Bon, alors, Fédérope, donc j'ai dit un des trois fondateurs de la maison d'édition, aux côtés de Bernard Lefebvre, qui est un écrivain de 7 ans, décédé en 2017, etc. Fédérope avait entre autres une collection de poésie, on avait des collections de littérature, on avait une collection sur les travailleurs sociaux, texte fédéraliste, et minorité nationale, etc. On a fait quand même du bon boulot en tant qu'éditeur, parce qu'on existait depuis un an et demi, quand on a été les seuls Français à avoir publié le futur prix Nobel de la paix. Ça a été un de nos 7 premiers livres, et Gallimard a acheté en catastrophe les titres dans la nuit. Gallimard, c'est le chef d'orchestre. Vicente Alessandro, c'était un écrivain espagnol. Bon, alors, simplement, un beau jour, on voit débarquer à Fédérope un dénommé Rachid Alich, Amazite, de Lyon, qui nous dit, j'ai ici un manuscrit, un tapuscrit, pardon, tapé chez les Frères Blancs, parce qu'ils avaient une machine à écrire pour leur sermon, avec l'alphabet latin amazite. Est-ce que vous voulez me publier dans votre collection Minorité Nationale? Oui. Mais est-ce que tu as une traduction? Parce qu'on voudrait quand même lire le texte. Non, je n'ai pas de traduction. Mais j'ai une préface de Mouloud Mamri. Ah, si tu as une préface de Mouloud Mamri, évidemment, on a envie de te publier. Bon, on a décidé de publier. Enfin, Bernard Lesfargue a décidé de publier un premier roman de Rachid Alich, oui, que j'ai bien connu, qui était un ami, ce roman s'appelait Asphel. Il a été publié à 500 exemplaires en amazite. Et grande question, est-ce qu'on met une traduction? Ah oui, mais laquelle? On traduit en français ou on traduit en arabe, ou... Et la décision a été de ne pas mettre de traduction, mais de mettre une postface en occitan. Dans la postface en occitan, Bernard Lesfargue écrivait, je l'ai republié dans cette revue il y a quelques années, après une réunion, j'avais vu des camarades, si j'ose dire, du congrès amazite mondial, qui sont d'ailleurs dans Région Hip-Hop Solidaire. Donc, la préface disait, Rachid est venu me présenter son manuscrit. On parlait pas un mot d'amazite, ni les uns ni les autres, mais on savait qu'il y avait une préface en français de Mouloud Mamri. Et on savait qui était Mouloud Mamri. On a décidé de publier, et on a décidé avec Rachid de ne pas mettre de traduction, ni en français, ni en arabe. Parce que l'amazite, comme l'occitan, sont des langues majeures capables de cheminer dignement en bonne littérature sans les béquilles que seraient les langues des colonisateurs français ou arabes. Donc, il me reste 5 ou 6 exemplaires. Voilà. Merci de votre venue. Si vous en voulez un, les toilettes, je vais commander. Donc, je vous rappelle qu'il y a des bouquins d'Alessandro qui sont là. Et surtout, il y a un bouquin, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais ça sera l'objet d'un prochain débat. Les actes d'un colloque sur Gary Davis. Et je pense qu'il y a eu des rapports entre Camus et Gary Davis. Gary Davis qui voulait.